On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Y'a qu'à mettre tout à fond, que je vous fais chier à laisser vos merdes. Tu crois que ça va aller? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you know. Wow! On the rocks. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars! Woo! Salut à tous, c'est Manu. Comme tous les lundis soirs dans On The Rocks de 19h à 20h30, ça c'est le direct sur 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, mais également rediffusion sur ZEF à Blois et quand vous voulez sur le site ontherocks.net. Et ça fait 32 ans que ça dure. Bon les amis, le but va être assez simple ce soir dans On The Rock, c'est de vous diffuser le maximum de morceaux en une heure et demie. Il faut que ça rentre dans l'heure et demie. J'ai plein de choses, je vous ai prévu 25 titres quand même. Ça risque d'être un petit peu long, 25 titres, et que de la nouveauté. Et pour 80% des groupes que je n'avais jamais diffusés. Donc beaucoup de bonnes choses à écouter dans le monde du rock, du rock'n'roll, de la pop. Non, pas de la pop. C'est pas un tube. Bon, vous allez voir. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. Yeah, give me some. Il y aura une émission spéciale Hop Hop Hop du prochain festival Hop Hop Hop d'Orléans. Ce sera pour la fin juin. Mais alors attention, messieurs, dames, puisque le coup de cœur ce soir... Au premier coup d'œil, la programmation de Pop Pop, je me dis qu'il faut que j'aille creuser un petit peu parce que je connais pas grand-chose. Il y a quand même quelques styles musicaux qui me parlent moyennement, donc on va aller fouiller tout ça. Et puis par ailleurs, j'ai découvert un groupe avec un album. L'album s'appelle Plus Ultra. Il vient de sortir et ça a été un coup de cœur d'album comme j'en ai pas eu depuis un moment. Souvent la lumière nous vient du rock britannique. C'est encore le cas cette fois-là. Le groupe s'appelle CQ Wrestling et l'album s'ouvre avec ce morceau qui est la quintessence de ce que savent faire les Anglais. Alors je sais pas comment on peut qualifier ça. C'est du rock. Est-ce que c'est shoegaze? Je ne sais pas. En tout cas, ils le font vraiment très très bien. Le morceau s'appelle Full Round Table. Et donc j'ai écouté l'album un petit peu en boucle. Je l'ai envoyé à ma copine Dudu, chez fidèle auditrice, en disant tiens écoute ça, tu vas voir, à mon avis ça va te plaire. Et je viens de remarquer, parce que je suis pas un garçon très attentif, que ce groupe sera au festival Hop Hop Hop. Alors là franchement, là je suis ravi et je sautille et je vais essayer si possible de vous décrocher une petite interview. En tout cas je suis vraiment pressé de les voir sur scène. Premier album, donc groupe qui démarre, c'est un peu le but du festival Hop Hop Hop. On en reparlera avec Mathieu Dufaux fin juin, mais là c'est une très très bonne surprise puisque c'est mon album du moment, CQ Wrestling. Ça s'appelle Full Round Table et bah écoutez-moi ça. Ça commence avec une sorte de crescendo et ça continue dans le galvanisant. On est ensemble pendant une heure et demie. Vous êtes prêts? Ça démarre. In 15 years with our wages changed. ton est donné ce soir dans The Rock. Ça va être un peu ça toute l'émission, enfin au moins une bonne grosse partie. À l'instant, c'était Spacey Jane, groupe australien fondé en 2016 avec leur dernier morceau qui vient de sortir, Too Short Through My Teeth, et ça, ça fait du bien aussi. Et juste avant, c'était CQ Wrestling, avec un nom comme ça, c'est un peu compliqué quand même, hein, pour en vendre, c'est un petit peu compliqué, mais en France surtout. Mais en tout cas, ils seront à Au Pop-Up, au festival Au Pop-Up à Orléans, le samedi 13 septembre prochain. Et ça, ça va être quand même un grand moment, je pense, sur scène. On n'a pas fini de se diffuser l'album dans On The Rocks. Allez, les Anglais, les Australiens, tout ça. Donc forcément, les Américains vont être un petit peu jaloux. Eh bien, on va aller à New York, à Brooklyn, pour être précis, avec le premier album d'un groupe qui s'appelle The Thing. Là, c'est plus facile à retenir, The Thing, la chose. Here's the story is the... Alors j'ai écrit comme une tanche, évidemment. Is the quelque chose, c'est le nom de l'album. Là, je n'arrive même pas à me relire. Ce n'est pas grave, je vais essayer de vous retrouver ça. En tout cas, le morceau, c'est Dave's TV. C'est maintenant, c'est dans The Rock. C'est comme à peu près tout ce soir. C'est une nouveauté. D'abord eu dans The Rock ce soir, Dave's TV, c'était le morceau de The Thing, alors pas du tout tiré de l'album Here's the... je vous dis même pas l'album, parce que c'est pas l'album, c'est un single qui vient de sortir, l'album précédent daté de 2023, et puis juste à l'instant, un groupe que lui on a déjà diffusé quelques fois dans On The Rock, s'appelle Cloud Nothings, avec That Prince, et le synthé qui prend beaucoup de place, d'habitude moi des fois ça me saoule un peu, là ça le fait bien, là ça le fait quand même très très bien, donc c'était Cloud Nothings, groupe de Cleveland, 2009, 10 albums. Je suis un peu passé à côté de certains quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Alors je suis passé à côté de tout, carrément, je ne les connaissais pas avant de préparer cette émission. Et pourtant, il date de 2001, ce groupe. Hein, quand même, c'est un petit peu long. Boston, je crois. Tim Howard, c'est le nom du leader. Et l'album s'appelle, le groupe, pardon, s'appelle Soltero. Et j'ai choisi de vous diffuser le morceau qui s'appelle Serious Man. Parce que vraiment, c'est bien. Thank you. en ai déjà parlé de celui-là, et le morceau précédent était encore meilleur que celui-là, et celui-là il est quand même bien. Il s'appelle Finn Wolfhard, vous le connaissez certainement si vous avez la télévision et en particulier Netflix, puisqu'il a été la star de le rôle principal, enfin un des rôles principaux de la série Stranger Things. Eh bien on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça vienne de lui, parce que voilà, un petit peu chétif, acteur, eh bien il nous a fait quelques morceaux en attendant son album qui sont vraiment géniaux, et c'est lui qui écrit tout, c'était vraiment super bien. Et juste avant c'était Soltero avec Serious Man, et on va continuer un peu dans le même style. Je vous l'avais dit, ce soir ça va être que de la joie, des feux d'artifice, et il y aura très peu de grosses caisses, Manon, je te préviens directement, mais ce qui t'empêche pas de danser comme une andouille. Ça s'appelle The Speedways Visiting Hours, et c'est encore une nouveauté, c'est dingue. Talk me sleepwalking to each other. c'était Joe Dropped à l'instant dans On The Rocks, ce groupe de Los Angeles, avec Fantasy. Juste avant, c'était les Speedways avec Visiting Hours. Plein de choses à vous faire découvrir. Alors, pas beaucoup de filles ce soir dans The Rocks, il y en aura quand même. Il y en a eu à l'instant. Et puis, il y en aura maintenant tout de suite avec le groupe Smut. Et ces groupes-là n'existeraient pas sans les Slits, peut-être, groupe de punk qui avait livré deux albums en 1979 et puis un peu plus tard. Alors, des albums qui, musicalement parlant, sont un peu dispensable, mais l'histoire de ce groupe est assez fabuleuse dans le sillage et dans l'ombre surtout des Clash et des Sex Pistols. Si vous avez l'occasion d'aller voir la pièce qui s'appelle Punk, qui se joue à la Scala, je crois, en ce moment à Paris, allez-y, parce que c'est vraiment vraiment très très bien. Et voilà, les filles, faut pas non plus leur marcher sur les pieds, surtout pas celle de Smut qu'on va se passer maintenant. Ça a des potes pour l'abeille, ça va peut-être être l'heure d'aller prendre l'air. touch me. I just wanna dance with my friends. Yeah. J'en connais un qui, du côté de Darvois, levait une oreille, voire deux. Si je baisse mon micro, ça va pas le faire du tout. Car c'était les Wet Legs, évidemment. Que devenir lorsqu'on a sorti un tube aussi planétaire et inattendu que Chaise Longue? Eh bien, c'est ce Catch This Fits qui annonce la suite des événements. Et franchement, on retrouve leurs pattes et ça fait toujours du bien. Et avant, c'était Smut, avec une fin de morceau un peu Sid Sweeney. C'est donc de ce groupe de Cincinnati, Ohio, qui ont bougé depuis. Ils sont à Chicago, je crois. Voilà, c'est encore une nouveauté. Voici une moitié de brindille, enfin en tout cas une brindille, il y avait deux brindilles, ça s'appelait The Lemon Twigs, et bien un des deux chanteurs, un des deux frangins des Lemon Twigs, revient en solo avec un album. Alors voilà, c'est retour vers le futur, il va y en avoir quelques-uns dans l'émission comme ça, on a vraiment l'impression d'être en 1967 ou 1968, il est resté bloqué là, mais il le fait très très bien, il s'appelle Brian D'Addario. Et le morceau, c'est Nothing on My Mind. C'est un des morceaux les plus enlevés de l'album, qui est quand même très très cool, assez bucolique, comme en témoigne la pochette où la petite brindille chevelue est sur les marches d'un perron très très fleuri et il joue de la petite guitare. Tout cela est bien joli et en tout cas ce morceau est bien efficace. Voici donc l'album solo de Brian D'Addario dans The Rocks. Boy, I was filled with joy. Brian D'Addario des Lemon Twigs est resté bloqué en 1968. Lui, il est vraiment resté bloqué en 1963-64 à Liverpool, dans le bus des Beatles. Ça, c'est clair. Il s'appelle M. Ross Perkins. Il vient de sortir un album. J'en dis pas trop parce que c'est un album de la prochaine session de Quiche. On va le disséquer avec les Sokol Fever dans la semaine prochaine, dans le dernier Quiche de la saison, un Quiche spécial puisque ce seront trois Sokol Fever qui vont Quicher. Voilà, en 2016, il avait sorti un album qui avait été encensé par une cut. Donc, voilà, c'est son troisième album. On en parlera la semaine prochaine. Il n'y a pas eu beaucoup de français pour l'instant dans The Rocks. Eh bien, ça va changer maintenant avec un groupe qui chante en anglais, quand même, qui a été élu meilleur groupe de 2023 par l'émission Quotidien. C'est pour vous dire si c'est des spécialistes. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa. Ça s'appelle Kids Return et le morceau s'appelle First Choice. C'est des Parigots et c'est une nouveauté. C'est maintenant. You're in my mind. want you to be Teddy the Rock. I'm a racing driver, taking them off. I'm the peak of love, I never fall anymore. Cause it might, cause it might. First choice. You're my first choice. Oh. First choice. You're my first choice. Oh. I think I've been up more than a few could you. And I'm in that hour and the candles too. Got my shoulder to the wind, bones for a hand. And my eyes too big for my belly, man. Cooking with gas, my heart's a flame. She's rocking my rook in a chessboard game, it's true. She's like a cactus in the sun. She blinks gypsy eyes with a lizard's tongue. Caravan of love affair comes around in June. She's always got me on the run, yeah. Ding dong, mirror bell, who's gonna ride your carousel? Think I've been out more than a fool could you. I've been the midnight hour and the candles too. Got my shoulder to the wheel, bones for a hand. And my eyes too big for my belly, man. I'm in and out of style like a pinstripe suit. I look a little taller in a Chelsea boot and shoes. And I drink wine to unwind. Up and down like a robber's dog. I looked at your picture through the bathtub fog. Your news been a whole ride in my mind. Ding dong, mirror bell, who's gonna ride your carousel? I think I've been out more than a fool could you. I've been the midnight hour in the candle street. Got my shoulder through the window, bones for a hair. And my eyes too big for my belly, man. Stéréphonics, à l'instant, vous les avez reconnus évidemment avec cette voix de Kelly Jones, bien joué Duduche. Duduche a une oreille impeccable. Eyes too big for my belly. Donc j'ai les yeux plus gros que le ventre, merci Manon pour cette traduction simultanée. Nouvel album, alors je suis pas hyper emballé sur l'album, faut que je le réécoute, un peu plan-plan, un peu guimauve, mais il y a quand même des petites étincelles qui surgissent comme ça, comme ce morceau qu'on vient de se passer, niché au cœur de l'album, qui est plutôt un album plutôt tranquille. Et juste avant, c'était les Parisiens de Kids Return avec First Choice. Vous êtes dans The Rock, je n'aurai pas le temps de vous diffuser tout ce que je voulais, il y a trop de nouveautés. Et on va continuer avec, pareil, un monsieur qui a une voix reconnaissable entre mille magnifiques voix, un chanteur que je suis depuis son premier album et que j'aime vraiment beaucoup. L'album précédent était très très bon et celui-là, bah pareil, un peu plan-plan, un peu voilà, on s'ennuie un petit peu de temps en temps, mais encore une fois, il y a quelques petites merveilles qui se nichent au cœur de cet album. Le chanteur s'appelle John Allen et le morceau c'est Down With The Tide. C'est parti et c'est tiré de son dernier album, donc c'est dans The Rocks. Thank you. clock runs out, as it must, when there's no one left I can trust, when the Reaper Man don't take bribes, when the blood in my veins turns to rust while I still have my pride, 'cause I ain't going down. We'll be right back. Voilà un album très étonnant, c'est celui de Marlon Williams qui vient de sortir, ce grand échalas néo-zélandais qu'on avait pu voir à l'Astrolabe pour un morceau, puisqu'à l'époque il était le compagnon d'Aldous Harding, j'avais interviewé Aldous Harding à cette occasion, et donc il était monté sur scène avec sa chérie pour chanter un morceau en duo, d'habitude il fait dans l'Americana en chantant en anglais, et bien là il a décidé de prendre à bras-le-corps ses origines maori, et donc il livre tout un album en maori. On dissèquera cet album aussi, on le décortiquera dans la prochaine émission de Quiz la semaine prochaine, avec cet album assez étonnant de Marlon Williams. Et juste avant, c'était John Allen avec Down With The Tide. Allez, voilà quelqu'un que je suis content de retrouver aussi, plutôt plus tranquille cette fin d'émission, bien sûr, comme souvent. Il s'appelle Will Stratton. J'avais diffusé pas mal de morceaux d'un album sorti il y a une dizaine d'années, puis j'avais un peu perdu de vue. Il revient toujours avec cette sensibilité intacte, cette voix de miel et cette voix toute chaude, avec ce morceau qui s'appelle Slab City. Pas de grande nouveauté dans l'écriture, mais en tout cas dans l'interprétation un peu, puisqu'il y a un peu plus de piano sur cet album. Et ça lui va bien. Voici Will Stratton avec Slab City. Vous êtes dans The Rocks. Your mom was working at the UPS up in Adelanto, north of Victorville. I got her number, she got my address. Next thing I knew, she was stealing my checks. I was kind of flattered more than anything. I've been going crazy living on my own. She'd tell me stories, sometimes she would sing, a common starling off of methadone. And the stars hang like the string of charms around her neck back then, as we played with fire, drunk on desire, looking for that good dead end. I met your father at the Kern County Jail, a string of arsons out of Bakersfield. They called me in once the judge had set bail. You can look it up, but the records are sealed. He told me stories I just couldn't believe. Some guy named Jolly in the CIA. They'd corner him, feed him LSD. He'd given up on keeping track of his days. And the smoke hangs like his memory. And how it failed back then. When he played with fire, blind with desire, looking for that good dead end. You've always got a place with deep palm trees. It isn't much, but there's plenty of room. It's 20 minutes to the Salton Sea. You've never seen such an algae bloom. Here in Slab City, they don't care where you're from. You can be crawling out a deep ravine. You can rise with the setting sun, like Lilith living up with Augustine. But the sun will be down upon us, just how it did back then. Oh, when I was a liar, drunk on desire, looking for that good dead end. I heard you met him when you did your bid. He was too far gone for you to have known. A schizophrenic and a wayward kid, starving in the desert for some kind of home. I've sought out paradise and I've seen hell. I've been out living on the borderline. Devils go to where the angels dwell, where they can be each other's valentines. But nothing lasts forever, like how it failed back then. Now we play with fire, blind with desire, heading for that good dead end. When you were down, you can call me. Eyes closed will walk. The way your blood beats, playing the parts, is a lot to ask. Yeah. motion. Blur the lines, Earth, stars, and we are welded as one. Bien sûr, faut s'habituer. Bien sûr, faut s'habituer parce que ce n'est plus la même voix. Et il y avait une voix qu'on aimait beaucoup qui n'existe plus. Parce que c'était Elizoé à l'instant, ex-Emelizoé, mais qui est devenu un garçon. Et donc, sa voix s'est transformée. Dormant Plants, c'est le nom de ce morceau qui est meilleur que le morceau qu'elle a sorti. Pardon, qu'il a sorti, voilà, faut s'habituer, je vous le dis, qu'il a sorti précédemment, et donc, bah voilà, j'attends de voir l'album pour voir ce qu'il va nous faire. En tout cas, bah c'est assez vertigineux quand on pense que cet artiste doit tout réinventer et qu'il doit s'adapter à sa nouvelle voix et composer avec. Et puis juste avant, c'était Will Stratton avec Slab City. Voilà quelqu'un qui a gardé sa voix mais qui a changé de style, et elle change de style environ tous les deux albums. Elle nous a fait l'honneur de nous donner à entendre son premier single, et bien voici le deuxième. Elle s'appelle Natalia M. King, l'album devrait sortir je crois à la rentrée, et le morceau c'est I'm a Funky Love. Qu'est-ce que je viens de dire à l'instant, I'm a Funky Love, pardon. Voilà, c'est fait pour se trémousser, donc vous pouvez vous trémousser dans vos salons, dans vos maisons, c'est possible, à la Fayoloche, partout vous pouvez vous trémousser. Il manque peut-être un petit solo un peu percutant de guitare, de sax, de voilà, on attend que ça décolle, et ça décolle jamais vraiment, mais ça se trémousse beaucoup. Voici donc le dernier morceau de Natalia. In this ever crazy changing world of constant possibility, any love, since you didn't see me coming, but you see me now and feel me now, when your body lay that night is so, so close to me, and you didn't waste no time. le cœur vaillant, allongé en bord de piscine, à bouquiner, guerre de Céline, je t'attends. Tout ce sang, ça fait plaisir, ça donne du futur au désir de l'avenir. C'était Beau Bandit qui reviennent en français avec un EP vraiment, vraiment réjouissant. Pas vraiment le droit de vous passer les autres morceaux parce que Pierre Vital Gérard, le chanteur, ex-chanteur de Santa Cruz, m'a fait le plaisir de me les mettre dans l'oreille. Mais voilà, faut attendre la date de sortie. Mais cette piscine qui est le single est vraiment bien. Et il y a deux autres morceaux vraiment très, très, très bien sur ce EP que j'ai hâte de vous diffuser. Juste avant, c'était ma copine, Natalia M. King, avec Ama Funky Love. Si tu écoutes, Natalia, bisous. On va se terminer l'émission avec un morceau de Bruce Springsteen. Il y a une battle en ce moment entre Bruce Springsteen qui revient en Europe pour des concerts et qui a sorti les morceaux pour la première partie de son set assez révolté et qui dépeigne l'Amérique telle qu'il voudrait qu'elle soit et non pas ce qu'elle est sous Donald Trump. Et puis Donald Trump qui lui a répondu, je cite, qu'il était un connard, un vieux, une vieille prune fripée qui ferait mieux de la fermer et qu'il avait hâte qu'il rentre aux États-Unis pour voir ce qu'il allait voir. Voilà, et qui a fait une petite vidéo truquée où Donald Trump est en train de faire du golf et hop, il envoie la balle et Bruce Springsteen se la prend en pleine tronche et se casse la figure sur les marches du concert en réutilisant une image de chute de Bruce Springsteen. Tout cela est très joyeux. Et ben, Bruce a réagi. Il a sorti un EP, 4 titres. 4 titres assez énervés contre Donald Trump. Ça s'appelle Land of Hope and Dreams. Et avec des morceaux qu'on connaît déjà. Et en particulier, il termine les concerts en ce moment et ce disque par ce Chimes of Freedom, reprise de Bob Dylan, qu'il avait déjà reprise lors de la tournée Amnesty International. internationale, c'était en 1988, et c'est la première fois que je voyais Bruce Springsteen sur scène, et depuis, eh ben, je l'ai vu 10 fois. Voici donc, c'est Chimes of Freedom, millésime 2025, par lequel Bruce Springsteen a clôturé. Ce morceau a été enregistré il y a quelques jours à peine à Manchester et déjà sorti en disque. Donald, c'est pour toi. Ah, mais non, Donald, c'est pour toi. C'est ici, Donald, c'est pour toi. Thank you, Manchester, for a beautiful night. Woo! You're a great audience. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Always still a little nervous on that first night, you know. Takes a little getting used to. Even after all this time. Take this home with you. Far between sundown's finish and midnight's broken toes, we ducked inside a doorway, thunder crashing. As majestic bells of boats struck shadows in the sound, seemed to be the chimes of freedom flashing, flashing for the warriors whose strength is not to fight, flashing for the refugees on their unarmed road of flight, and for each and every underdog soldier in the night, we gazed upon the chimes of freedom flashing. Trolling for the searching ones on the speechless seeking trail, for the lonesome hiding lovers with two personalities, and for each unharmful channel soul displaced inside a jail, we gazed upon chimes of freedom flashing. Starry-eyed and laughing, I recall when we were caught, trapped by no track of ours, for they hang suspended. As we listened one last time, and we watched with one last look, spellbound and swallowed till the trolling ended. Bye. retrouve la semaine prochaine. Ce soir, On The Rocks, c'est terminé. Et puis tiens, presque terminé. Donald, une petite dernière. Voltam a jogo dentro de poucas semanas para o Mundial de Clubes que acontece nos Estados Unidos, o que pode obviamente condicionar a preparação da próxima época. As duas equipas começam mais cedo também em competições oficiais na próxima temporada. O Benfica vai estar na Supertaça, mas sobretudo as duas têm compromissos europeus. Desse ponto de vista, o calendário do Sporting é bem mais folgado. A pré-época do Sporting vai ser mais tranquila, mais semelhante àquilo que é a vida normal dos clubes que não vão ao Mundial, primeira competição, e que introduz aqui, obviamente, para muitos clubes da da Europa, não é apenas para Benfica e Porto, e para os maiores clubes do mundo. Uma outra dinâmica na gestão de contratos, preparação da temporada e até a definição do papel do treinador. É o Nuno Magalhães que vai ter um verão, tudo indica, mais atribulado, certo, Nuno? Permites-me que coloque a questão assim, acompanhas-me nisso? Ou não, quer dizer, atribulado no sentido, quer dizer, imagina que o Benfica ganha o Campeonato do Mundo de Clubes, é um verão encheio. É um verão encheio, portanto, nós primeira nunca questão. Sabemos, é melhor nunca falar antes do tempo. Bom, não, mas eu percebo questões, a pergunta, claro. Há duas questões urgentes na cabeça dos benfiquistas, se o